Sourate 78, An-Naba, la nouvelle. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasa'aluna 'anil naba'il 'azim. À propos de quoi s'interrogent-ils les mécréants? À propos de la grande nouvelle, l'avènement du jour de la résurrection. Alladhi hum fihi mukhtalifun. Au sujet de laquelle ils ne cessent de diverger. Kalla sa'lamuna thumma kalla sa'lamuna. Mais non, ils seront bientôt. Oh que non, ils seront sûrement bientôt. Alam naj'al al-ardha mihada. N'avons-nous pas fait de la terre une surface plane, tel un reposoir? Wal jibala awtada. Et n'y avons-nous pas établi les montagnes comme des piquets? Wa khalaqnakum azwaja. Et ne vous avons-nous pas créé en couple, hommes et femmes? Wa ja'alna nawmakum subata. Et n'avons-nous pas fait de votre sommeil un repos? وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا. Et n'avons-nous pas étendu la nuit tel un vêtement? وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. Et n'avons-nous pas établi le jour afin que vous vaquiez à vos affaires et vos occupations? وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا. Et n'avons-nous pas bâti au-dessus de vous sept cieux superposés et renforcés? وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا. Et n'y avons-nous pas placé une lampe très ardente, le soleil? Et n'avons-nous pas fait descendre des nuages une eau abondante, la pluie? Par laquelle nous faisons pousser toutes sortes de grains et de plantes. Ainsi que des jardins touffus. En vérité, l'avènement du jour du jugement dernier va inéluctablement se produire à un moment bien déterminé. Lorsque l'on soufflera dans la corne, puis que vous viendrez en masse par groupe, et que l'on fendra le ciel et que ses portes seront grandes ouvertes, et que les montagnes seront violemment ébranlées et soulevées dans les airs, et qu'elles deviendront-elles des mirages? L'enfer sera alors aux aguets. Et il sera un refuge pour les transgresseurs. Ils y demeureront de longues périodes successives qui ne se finiront jamais. La yadhuquna fiha bardan wa la sharaba. Ils n'y goûteront ni fraîcheur ni breuvage. Illa hamiman wa ghassaqa. Hormis une eau bouillante et un pu. Jazaa'an wifaqa. Comme rétribution équitable de ce qu'ils œuvraient de leur vivant sur terre. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Car ils ne s'attendaient pas ni ne se préparaient à rendre des comptes. Mais ils ne cessaient plutôt de démentir nos signes et nos versets. Or nous avions déjà depuis bien longtemps déjà cerné et recensé tout ce qui allait se passer dans cet univers par écrit dans Al-Lawh al-Mahfouz, la tablette céleste préservée. Et il leur sera ainsi dit, goûtez donc le supplice, nous n'augmenterons pour vous que le châtiment. Inna lil muttaqina mafaza. Quant aux pieux, il leur a certes été réservé une immense récompense. Hadaiqa wa a'naba. Le paradis, dans lequel il s'y trouve des jardins et des vignes. Wa kawa'iba atraba. Ainsi que des femmes au sein bien arrondi et d'une égale jeunesse. Wa ka'san dihaqa. De même que des coupes débordantes. La yasma'una fiha laghwan wa la kidhaba. Ils n'entendront là-bas ni futilité ni propos mensongers. Jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Tout cela comme récompense venant de la part de ton Seigneur et à titre de don abondant mérité. Rabbis samawati wal ardi wa ma baynahuma ar-rahman la yamlikuna minhu khitaba. Le Seigneur des cieux et de la terre, et de ce qui existe entre eux, le tout miséricordieux. Personne ne pourra s'adresser à lui ce jour-là. Le le jour où l'esprit Djibril, l'ange Gabriel et les autres anges se dresseront en rang, nul ne prendra la parole excepté celui à qui le Tout Miséricordieux aura accordé la permission de parler pour ne dire que de justes paroles. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. Voilà le jour de la vérité. Que celui donc qui désire se réfugier auprès de son Seigneur contre les calamités de ce jour, qu'il le fasse dès maintenant en se soumettant à lui. Nous vous avons certes mis en garde contre un châtiment imminent. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Le jour où l'homme verra tout ce que ses deux mains avaient accompli dans sa vie passée et que le mécréant dira « Hélas pour moi, j'aurais tant aimé n'être que poussière. » Sourate 79, An-Nazi'at, les anges qui arrachent les âmes. Bismillahirrahmanirrahim. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا. Par ceux qui arrachent violemment les âmes au moment de la mort, les anges du châtiment, et par ceux qui les retirent avec douceur, les anges de la miséricorde, et par les anges qui descendent du ciel à toute allure, se précipitant avec concurrence dans l'obéissance d'Allah. فالمدبرات أمرا. Mettant à exécution les ordres divins. يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. Le jour où la terre tremblera violemment, lors du premier soufflement dans la corne, le jour de la fin des temps, puis qui sera suivi après un temps d'un second soufflement, le jour de la résurrection. قلوب يومئذ واجفة. Ce jour-là, nombreux seront ceux dont les cœurs seront pris d'effroi. أبصارها خاشعة. Et dont les regards se rabaisseront humiliés. يقولون أئنا لمردودون في الحافرة. Ceux-là même qui disaient jadis de leur vivant, allons-nous vraiment être ressuscités après notre mort? أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً. Une fois que nous serons devenus ossements pourris. قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ. Puis de dire, si tel est le cas, ce retour sera alors pour nous une grande perte. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ. Mais il s'agira d'une seule sommation lors de la résurrection. فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةٌ. À la suite de quoi, ils seront tous ressuscités puis rassemblés sur une seule et même terre. هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى. T'est-il déjà parvenu le récit de Moussa, Moïse ? إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَى. Quand son Seigneur l'appela dans la vallée sacrée de Touwa. اذهب إلى فرعون إنه طغى. Et qu'il lui dit, pars trouver Pharaon, car il s'est certes rebellé. فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. Puis dis-lui, serais-tu disposé à te purifier de tes péchés, et t'indiquerai-je une voie qui mène vers ton Seigneur, afin que tu deviennes du nombre des pieux qui le craignent. فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى. Puis Moussa montra à Pharaon le grand miracle, lorsqu'il jeta son bâton au sol, et que ce dernier se transforma en un véritable serpent qui se mit à engloutir tout ce que les magiciens de Pharaon avaient jeté comme corps des bâtons, qui les avaient fait apparaître aux yeux des gens comme étant des serpents. Mais Pharaon cria au mensonge et refusa de se soumettre. Il tourna ensuite le dos et s'en alla. Puis il rassembla son peuple et leur fit une proclamation, leur disant ainsi, « C'est moi votre Seigneur, le Très-Haut. » Allah lui infligera alors une punition exemplaire dans l'au-delà, comme il le fit ici-bas. Il y a certes dans ce récit de quoi méditer et réfléchir pour quiconque craint son Seigneur. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ Oh vous les gens, êtes-vous plus difficiles à créer ou est-ce le ciel? بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. Il l'a construit et a élevé bien haut sa voûte, puis l'a parfaitement ordonné. Et assombrit sa nuit, et fait luire son jour. Et quant à la terre, après cela, il l'a étendue et aplanie. أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. de même qu'il a fait sortir ses cours d'eau et ses pâturages, et quant aux montagnes, il les a fermement ancrées à la couche terrestre, tout cela pour vos besoins ainsi que ceux de vos bestiaux. Puis quand viendra le grand malheur, le jour du jugement dernier, le jour où l'homme se rappellera de ses agissements passés, et que l'enfer sera exposé et visible pour qui le verra. Quant à celui qui aura outrepassé les limites et aura été désobéissant, préférant ainsi cette vie d'ici-bas éphémère, l'enfer sera alors son refuge. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Mais quant à celui qui aura redouté de comparaître devant son Seigneur et aura défendu à son âme de suivre ses passions, le paradis sera alors son refuge. يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا. Et il t'interroge, ô toi Mohammed, au sujet de l'avènement de la fin des temps, à quand son heure ? Quelle science en as-tu pour pouvoir les en informer ? Son heure n'est connue que de ton Seigneur. Ta fonction ne se limite qu'à avertir ceux qui la redoutent. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. Le jour où ils la verront, il leur semblera alors n'avoir vécu sur terre qu'une soirée ou une matinée. Sourate 80. Abasa, il s'est renfrogné. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma. Le prophète s'est renfrogné et s'est détourné lorsque l'aveugle Abdullah ibn Maktoum est venu à lui. Et qu'en sais-tu, ô toi Muhammad, peut-être cherchait-il à se purifier, ou plutôt voulait-il que tu lui fasses le rappel afin d'en tirer profit ? Quant à celui qui se complaît dans sa richesse, tu lui prêtes attention, or qu'il ne t'importe que ce dernier ne se purifie de son polythéisme et de sa mécréance. Mais quant à celui qui vient à toi avec empressement, par crainte de son Seigneur, tu te détournes de lui et ne t'en préoccupes point. Parfaitement, il s'agit là d'un rappel, le Coran. فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ. Que celui qui le souhaite, qu'il s'en rappelle donc. فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَهُ. Ce rappel, consigné dans des feuillets honorés, éminents, élevés au-dessus des cieux et purifiés, اللوح المحفوظ, la tablette céleste préservée. بِأَيْدِي سَفَرَهُ. Entre les mains d'ambassadeurs, كِرَامٍ بَرَرَهُ. Nobles et obéissants, les anges. قتل الإنسان ما أكفره. Que périsse l'être humain pour son ingratitude envers son Seigneur. من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره. Ne se rappelle-t-il donc pas de quoi il l'a créé ? D'une simple goutte de sperme, il le crée, puis façonne son corps par phases successives. ثم السبيل يسره. Puis il lui facilite son cheminement dans cette vie d'ici-bas. ثم أماته فأكبره. Puis une fois son terme de vie arrivé, il lui donne la mort et l'assigne dans sa tombe. Après quoi, il le ressuscitera lorsqu'il le voudra. Eh bien non, l'être humain n'accomplit pas ce qui lui a été ordonné d'accomplir. Que l'homme regarde donc et médite sur ce avec quoi il se nourrit, c'est nous qui versons du ciel l'eau en abondance, la pluie. Puis qui fendons la terre par fissures. Et y faisons pousser toutes sortes de grains, de vignobles et de légumes. D'oliviers et de palmiers. De même que des jardins touffus. وفاكهة وأبا. Ainsi que des fruits et des pâturages. متاعا لكم ولأنعامكم. Tout cela pour satisfaire vos besoins ainsi que ceux de vos bestiaux. Puis lorsque viendra le fracas, le jour de la résurrection, le jour où l'homme s'enfuira de son frère, de sa mère et de son père, de son épouse ainsi que de ses enfants. Chacun d'entre eux ne se préoccupant ce jour-là que de son propre cas. Certains visages seront ce jour-là rayonnants, souriants et resplendissants de bonheur. ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة. De même qu'il y aura ce jour-là des visages recouverts de poussière qui seront accablés et assombris. أولئك هم الكفرة الفجرة. Tels seront les visages des mécréants, des désobéissants. Sourate 81, At-Takwir, l'extinction. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. Quand le soleil sera retiré de sa place et s'éteindra, et que les étoiles tomberont du haut du ciel, et que les montagnes seront violemment ébranlées, puis soulevées dans les airs, et que les chamelles qui seront arrivées à terme seront laissées à l'abandon, et que les bêtes sauvages et farouches seront rassemblées, et que les mers seront portées à ébullition, et que les gens seront regroupés selon leurs croyances et leurs œuvres, et qu'on questionnera la nouveau-née qui avait été jadis enterrée vivante, afin de savoir pour quel crime a-t-elle été tuée. وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت. Et que les registres des œuvres des gens seront ouverts et étendus, et que le ciel sera plié et déchiré, et que l'enfer sera attisé, et que le paradis sera rapproché. علمت نفس ما أحضرت. Toute âme saura alors ce qu'elle aura accompli de son vivant sur terre. Mais non, je jure par les astres qui disparaissent de jour, qui se déplacent à grande vitesse, puis réapparaissent la nuit. Et par la nuit, quand elle vient, puis repart, et par l'aube, quand elle exhale sa clarté, ceci, le Coran, est bel et bien la parole d'un noble messager, l'ange Djibril, Gabriel. Doté d'une immense force, ayant un rang élevé auprès d'Allah, le détenteur du trône. Qui a autorité auprès des autres anges dans les cieux et qui est digne de confiance. Et votre compagnon Muhammad n'est nullement fou. Il a réellement vu l'ange Djibril au clair horizon. Et il ne garde pas avarement pour lui-même ce qui lui a été révélé. Et il ne s'agit pas non plus de la parole d'un diable maudit. Où allez-vous donc ? Il ne s'agit là que d'un rappel adressé au monde entier pour quiconque d'entre vous souhaite suivre le droit chemin. Mais vous ne pourrez vouloir que selon la volonté d'Allah, le Seigneur de l'univers. Sourate 82, Al-Infitar, la fente. Bismillahirrahmanirrahim. إذا السماء انفطرت. Quand le ciel se fendra. وإذا الكواكب انتثرت. Et que les astres tomberont du haut du ciel et s'éparpilleront. وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. Et que les mers déborderont et confondront leurs eaux et que les tombes seront bouleversées faisant ainsi sortir leurs morts. Toute âme saura alors ce qu'elle aura accompli jadis de son vivant et ce qu'elle aura remis de faire à plus tard. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. Ô Ô toi, l'être humain, qu'est-ce qui t'a trompé au sujet de ton Seigneur, le généreux ? Celui qui t'a créé, puis modelé et constitué harmonieusement de la façon la plus parfaite. Celui qui t'a façonné dans la forme qu'il a voulu. Mais non, vous traitez plutôt le jour de la résurrection de mensonge. Alors que veillent sur chacun d'entre vous des anges gardiens, de nobles scribes qui recensent toutes vos actions et qui sont parfaitement informés de ce que vous faites. Certes, les gens pieux seront dans l'au-delà, dans un immense bienfait, le paradis. Tandis que les désobéissants et les libertins se retrouveront dans le feu de l'enfer, dans lequel ils brûleront au jour de la rétribution, et duquel ils ne pourront s'échapper. Et qu'est-ce qui pourrait te donner une idée de ce qu'est vraiment le jour de la rétribution ? Vraiment, qu'est-ce qui pourrait te donner une idée de ce qu'est le jour de la rétribution ? Il s'agit du jour durant lequel nulle âme ne pourra faire quoi que ce soit pour autrui, et le commandement et la décision n'appartiendront ce jour-là qu'à Allah. Sourate 83, Al-Mutaffifin, ceux qui font mauvais poids. Bismillahirrahmanirrahim. Wailun lil-mutaffifin alladhina idha iktalu 'alan-nasi yastawfun. Malheur à ceux qui font mauvais poids, ceux qui lorsqu'on pèse pour une marchandise exigent la pleine mesure et plus encore. Wa idha kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tandis que lorsqu'ils pèsent eux-mêmes pour les autres, ils tendent à diminuer la quantité et se montrent avares. Cela ne se rappelle-t-il pas qu'ils seront ressuscités pour un jour terrible ? Le jour où les gens se tiendront debout devant le Seigneur de l'univers. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. En vérité, le livre de chaque désobéissant et pervers, dans lequel sont recensés ses péchés, sera écrit dans السجين. وما أدراك ما سجين. Et qu'est-ce qui pourrait te donner une idée de ce qu'est vraiment السجين? كتاب مرقوم. Il s'agit d'un registre bien écrit et ordonné qui se trouve dans les profondeurs de l'enfer. ويل يومئذ للمكذبين. Malheur donc ce jour-là aux négateurs. الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. Qui démente l'avènement du jour de la résurrection. Or ne le dément que tout transgresseur pécheur. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. Qui, lorsque nos versets lui sont récités, dit « Il ne s'agit là que de contes d'anciens. » Mais non, leurs cœurs n'ont été voilés qu'à cause de ce qu'ils commettaient comme péché. Oh que non, nul doute qu'au jour du jugement dernier, ils seront recouverts d'un voile les empêchant de voir leur Seigneur. ثم إنهم لصال الجحيم. Ils seront ensuite traînés en enfer où ils y brûleront. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. Il leur sera alors dit, voilà ce que vous traitiez jadis de mensonge. كلا إن كتاب الأبرار لفي علين. Parfaitement, et certes le livre de chaque pieux dans lequel sont recensées ses bonnes actions sera écrit dans العليون. وما أدراك ما عليون. Et qu'est-ce qui pourrait te donner une idée de ce qu'est vraiment العليون. كتاب مرقوم. Il s'agit d'un registre bien écrit et ordonné qui se trouve bien élevé dans les cieux. يشهده المقربون. Dont en sont témoins les rapprochés d'Allah, les anges. إن الأبرار لفي نعيم. Certes, les gens de piété seront dans l'au-delà, dans un immense bienfait, le paradis. على الأرائك ينظرون. Là-bas, ils seront allongés sur des divans, d'où ils regarderont avec émerveillement ce dont il leur aura été accordé de voir. Ces derniers seront reconnaissables à leur visage, resplendissant de félicité et de bonheur. On leur servira comme breuvage une liqueur résultant d'un somptueux mélange. ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. Laissant un arrière-goût de musc, et c'est véritablement en cela que doivent se concurrencer les gens de bien. ومزاجه من تسنيم. Et ce mélange sera issu de تسنيم. عينا يشرب بها المقربون. Une source au paradis, de laquelle les gens rapprochés d'Allah auront le privilège d'en boire à l'état pur. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. On se rappellera alors que les criminels riaient auparavant de ceux qui avaient eu la foi. وإذا مروا بهم يتغامزون. Et qu'à chaque fois qu'ils passaient près d'eux, ils se faisaient des œillades. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. Et que lorsqu'ils retournaient auprès des leurs, ils s'étonnaient de leur cas avec dénigrement. Et que lorsqu'ils les voyaient, ils disaient, ce sont vraiment des égarés. Alors que ces criminels n'avaient aucunement été affectés à eux pour en être les garants et les protecteurs. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. Mais le jour de la résurrection, ce seront les croyants qui prendront en raillerie les mécréants. على الأرائك ينظرون. Ils seront ainsi allongés sur des divans, d'où ils regarderont avec émerveillement ce dont il leur aura été accordé de regarder. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. Les mécréants seront-ils ainsi récompensés à ce moment pour ce qu'ils faisaient? Sourate 84, Al-Inshiqaq, la déchirure. Bismillahir Rahmanir Rahim. إذا السماء انشقت. Quand le ciel se déchirera. وأذنت لربها وحقت. Par obéissance envers son Seigneur et mettant à exécution son ordre. وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. Et que la terre sera étendue et nivelée, et qu'elle fera sortir tout ce qu'elle aura contenu comme mort et se videra d'eux, par obéissance envers son Seigneur et mettant à exécution son ordre. Ya ayyuha al-insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Ô toi l'être humain, qui ne cesse d'œuvrer et d'agir sans relâche en cheminant vers ton Seigneur, nul doute que tu finiras par le rencontrer. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. Celui donc qui recevra le registre de ses œuvres dans sa main droite, celui-là sera soumis à un jugement facile. وينقلب إلى أهله مسرورا. Et retournera auprès des siens réjoui. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا. Mais quant à celui qui recevra son livre dans sa main gauche, par derrière son dos, il invoquera l'anéantissement sur sa propre personne et sera précipité en enfer où il brûlera dans un feu ardent. Car il aura vécu jadis heureux parmi les siens dans l'insouciance la plus totale. Et il pensait que jamais il n'aurait à rendre de compte. بلى إن ربه كان به بصيرا. Mais non, son Seigneur l'observait certainement. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق. Oh que non, je jure par le crépuscule et par la nuit ce qu'elle enveloppe et par la lune lorsqu'elle atteint sa plénitude. لتركبن طبقا عن طبق. Vous serez sans aucun doute soumis à différentes épreuves successives le jour de la résurrection. Qu'ont-ils donc ces gens à ne pas croire? Et à ne pas se soumettre et à se prosterner lorsque le Coran leur est récité? Mais ceux qui mécroient le traitent plutôt de mensonge. Wallahu a'lamu bima yu'un. Cependant qu'Allah connaît parfaitement ce qu'il dissimule au fond d'eux. فبشرهم بعذاب أليم. Annonce leur donc un châtiment douloureux, ô toi Mohammed. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. Excepté ceux qui auront cru et accompli de bonnes œuvres, à eux donc une récompense qui leur sera accordée sans compter et qui ne s'interrompra jamais. Surat 85, Al-Buruj, les étoiles. Bismillahirrahmanirrahim. والسماء ذات البروج. Par le ciel étoilé. واليوم الموعود. Et par le jour promis, le jour de la reddition des comptes. وشاهد ومشهود. Et par celui qui témoignera, le prophète Mohammed, et ceux dont les gens témoigneront, le jour du jugement dernier. قتل أصحاب الأخدود. Maudits soient les gens du fossé. النار ذات الوقود. Dans lequel ils y avaient attisé un feu plein de combustible qu'ils avaient préparé pour y faire brûler des gens qui avaient eu la foi. Et autour duquel ils avaient pris place. Témoignant de leurs propres yeux de ce qu'ils avaient fait subir à ces croyants. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. Cependant qu'ils ne reprochaient à ces derniers que de n'avoir cru en Allah le puissant, le digne de louange. الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. Auquel appartient la royauté des cieux et de la terre, et Allah est témoin de toutes choses. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. Ceux qui auront éprouvé les croyants et les croyantes et leur auront causé du tort, puis ne se seront pas repentis, subiront le châtiment de la géhenne ainsi que le supplice du feu de l'enfer. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. Quant à ceux qui auront eu la foi et accompli des bonnes œuvres, ils seront gratifiés des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux, le paradis. ذلك الفوز الكبير. Voilà le grand succès. إن بطش ربك لشديد. Le supplice de ton Seigneur est assurément terrible. إنه هو يبدئ ويعيد. C'est certes lui qui vous a créé une première fois et qui vous recréera de nouveau le jour de la résurrection. وهو الغفور الودود. Et c'est lui le pardonneur, l'affectueux. ذو العرش المجيد. Le détenteur du trône, le glorieux. فعال لما يريد. Celui qui réalise tout ce qu'il veut à la perfection. هل أتاك حديث الجنود. T'est-il déjà parvenu le récit des armées? فرعون وثمود. Les armées de Pharaon et du peuple de Thamoud. بل الذين كفروا في تكذيب. Mais les mécréants persistent à démentir notre message. والله من ورائهم محيط. Or Allah les cerne à leur insu de toutes parts. بل هو قرآن مجيد. Alors qu'il s'agit bel et bien d'un illustre Coran. في لوح محفوظ. Réservé dans les cieux auprès d'Allah, dans une tablette céleste, Al-Lawh al-Mahfouz. Surat 86, At-Tariq, l'astre nocturne. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Par le ciel et par l'astre nocturne. Wa ma adraka mat-tariq. Et qu'est-ce qui pourrait te donner une idée de ce qu'est vraiment l'astre nocturne? An-najmu ath-thaqib. Il s'agit des étoiles qui transpercent les ténèbres de la nuit, par leur brillance éclatante et sur lesquelles les gens se basent pour se diriger lors de leurs déplacements nocturnes. En vérité, il n'est point d'âme sans qu'il lui ait été assigné un ange gardien. Que l'homme médite donc sur ce à partir de quoi il a été créé. Il a été créé à partir d'un liquide éjaculé provenant de la région dorsale inférieure de ses géniteurs. Celui qui l'a créé une première fois est assurément capable de le ressusciter. Le Le jour où l'on jugera de ce que renferment les poitrines, l'homme n'aura à ce moment plus aucune force ni soutien. Par le ciel qui fait revenir la pluie, et par la terre qui se fend lors de l'éclosion des graines, le Coran est indubitablement une parole qui tranche entre le vrai et le faux, et il n'est point une plaisanterie frivole. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. Les mécréants ne cessent de ruser et de comploter contre les musulmans, mais j'en fais de même à leur rencontre, faisant échouer leur stratagème. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. Ne te précipite donc pas, ô toi Mohammed, face aux agissements des mécréants, et accorde-leur plutôt un court délai jusqu'à ce que vienne mon décret.